gentlemen. Bonjour, premier épisode du Boulmousse Club. Une discussion fantastique sur la mort, un débat sur la calvitie, un blind test robot et nos coups de cœur. Mais tout d'abord, une aventure de corsaire. Bonne écoute! Le 24 juillet 1758, la frégate baptisée Le Protée quittait le port de Saint-Malo. Elle avait à son bord un équipage formé de 196 hommes et de 4 officiers. Ce trois-mâts d'une grande finesse, très manœuvrant, était sorti de l'arsenal de Brest quelques mois auparavant. C'était sa première course. Son capitaine, le baron François-Philibert Brien de Saint-Père-Marc-en-Poulet, gentilhomme malouin, était porteur d'une lettre de marque signée du roi de France, Louis XV. Cette lettre de marque faisait du baron un corsaire. Dans les entrailles de bois de la frégate, près de 40 pièces de canon étaient prêtes à tonner contre les Anglais. La guerre de 7 ans avait atteint son paroxysme. Les gabiers chantaient à grosses voix ces chants qui rythment la vie des marins. Le soleil frais éclairait loin l'horizon et le cœur des marins en était réjoui. Au sommet des huniers, un gabier nommé Henri Le Pellec, surnommé Henri Cussec, guettait le passage de quelques sloops anglais. Ces bateaux rapides sillonnaient alors en nombre la Manche en direction de la Hollande. Quelle ne fut pas sa surprise quand il aperçut, venant de l'ouest, une immense nef. Complètement anachronique. Le navire ressemblait à une version démesurée de ces caravelles qui firent la fortune de la couronne d'Espagne aux Indes occidentales près de 3 siècles plus tôt. Le gros navire ventru avançait très lourdement. Il semblait chargé de nombreuses marchandises. Il n'en fallait pas plus pour aiguiser l'appétit de nos corsaires. Le capitaine, alerté par le quartier maître, n'observa qu'un instant le bateau avec ses lunettes depuis la dunette. Le baron de Saint-Père nota plus tard dans son carnet de bord l'absence visible d'équipage aurait dû m'alarmer sur le caractère maléfique de ce bâtiment maudit de Dieu. Personne n'était visible à son bord. Il décida néanmoins de lancer le Protée à l'abordage. On fit sonner la cloche, monter les bordées. On fixa les canons au sabord. Le Protée, virant grand largue, se rapprocha rapidement de sa proie, qui se révélait être en bien piètre état. Ses voiles tombaient comme des linceuls gris sur des vergues affaissées. L'ensemble semblait vermoulu. La coque était couverte de bernicles suintantes et d'algues noires. Le Protée tira un coup de semonce. Pas de réponse. Plus la frégate corsaire s'approchait, plus l'inquiétude se faisait sentir. Bientôt, le Protée fut assez près de la nef pour lancer ses grappins. Pas un seul coup de feu n'avait retenti. Les sabords de la caravelle géante restaient clos. Les sabres restaient au fourreau. Un matelot aperçut le nom du bateau. El Alcetoro. Quand les premiers hommes arrivèrent à bord de la nef antique, ils trouvèrent un pont recouvert de cadavres. Certains des corps étaient dans un état de putréfaction très avancé. D'autres semblaient avoir quitté ce monde à l'instant même. Tous, sans exception, portaient dans leur main droite, raidis par la mort, un verre vide. Ils ne trouvèrent qu'un seul survivant. Il était accroupi, son corps tordu par la folie, le visage défiguré par un rictus dément. Le malheureux était adossé contre le manne-misaine. Il désignait d'un index maigre et tremblant le cadavre d'un de ses compagnons en gémissant. Il répétait d'une voix brisée et sans jamais s'arrêter. « Boulmousse ! Boulmousse ! Boulmousse !» Le capitaine nota plus tard. Lui seul à bord, parmi les corps, tenait son verre de la main gauche. Avant même de pouvoir explorer plus loin le bâtiment, on remarqua que « El Alcetoro » coulait à vive allure. On évacua rapidement. Le malheureux survivant fut amené de force, car il se débattait à bord du Protée. Quand il fut à bord de la frégate française, il tomba immédiatement dans une profonde léthargie. Il finit par expirer quelques heures plus tard, emportant dans les abîmes ses terribles secrets. Le baron de Saint-Père conclut la note de son carnet par ces mots mystérieux. À l'instant où le matelot espagnol expira, je puis jurer que j'entendis au loin, en direction de l'épave, déjà presque disparue, les échos d'un hurlement lugubre qui me glaça le sang. Ce cri infernal me fit immédiatement songer au bramement de ces grands cerfs canadiens que l'on appelle élan. Bonsoir à tous, bienvenue au Gentleman Boulmousse Club. Le Gentleman Boulmousse Club est, comme son nom l'indique, un club de gentlemen. Ce club se réunit régulièrement. Tous ses membres partagent valeurs et règles communes. Vous découvrirez ces règles au fur et à mesure de votre écoute du podcast. Je suis Eric Zamour, votre hôte ce soir en direct de l'antenne parisienne du club. Je suis entouré ce soir de plusieurs gentlemen que je vous demande d'accueillir comme il se doit. D'abord, notre coach sportif, c'est un compétiteur né. C'est aussi un spécialiste des arts graphiques. Je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Yves Calvici. Ça va, Yves ? Bonsoir, ça va. Super. Ouais. Bon. Voici maintenant notre maître des jeux. Cet orque noir de niveau 52 a développé des compétences spécifiques en infiltration. C'est un gros nerd, mais c'est aussi un sacré gaillard doté d'une street credibility à toute épreuve. Faites un triomphe à Nicolas Demeret. Bravo ! Ça va, Nicolas ? Très bien. Enfin, notre artisan. Regardez-moi ses mains rudes, usées sur les tapis. Voici un homme qui travaille le bois, mais aussi le tissu de ses mains. Intransigeant, exigeant, mystérieux. Et depuis peu denté. Très gros big up à Patrick Bullshitté ! Bravo ! Ouais, ça va à Nantes ? Ça va très bien, oui. Oh, super. Alors, on revient déjà d'un beau voyage en mer, dans la Manche. Mais on va s'embarquer à nouveau pour une expérience assez inédite. Donc, je vous demande à tous de fermer les yeux. Donc vous ici, mais aussi vous les auditeurs. Détendez-vous, respirez profondément. Inspirez par la narine, expirez par la bouche. Imaginez que vous êtes dans votre lit, profondément endormi. Vous dormez. Patrick, tu prends la suite ? Oui, je prends la suite. L'expérience est assez simple. Vous êtes dans votre lit. Une nuit comme toutes les autres nuits, toutes celles qui sont passées depuis votre naissance. Et soudain, vous vous réveillez. Comme tous les autres matins, jusque-là, rien de très étonnant. Aucun signe distinctif de la veille, de l'avant-veille, il y a quelques années, 10 ans peut-être, en fonction de l'âge que vous avez aujourd'hui. Mais un détail va changer et bouleverser toute votre vie. Et vous ne serez plus jamais le même, et c'est l'expérience que je vous propose de vivre dès maintenant. Ce détail, il est simple. Vous avez un super pouvoir. Ce super pouvoir paraît peut-être anodin quand je vais vous le révéler, mais il peut changer du tout au tout votre vie, celle de vos proches et celle de l'humanité dans son intégralité. Ce super pouvoir est de connaître la date de la mort des personnes que vous allez croiser. Ok. Projetez-vous. Alors, avec potentiellement quelqu'un dans votre lit, quelques-uns dans votre lit. Ça, c'est plutôt pour Nicolas Demeret, je crois. Le plusieurs, non ? Alors, le plusieurs, oui, ça marche pour lui. Et on va essayer de se projeter dans ce scénario. D'accord, alors, du coup, ça se présente comment ? T'as un petit compteur dans un coin, comme dans Dragon Ball ? Oui, alors... Death Note, en fait, c'est ça le principe. Alors, c'est le... Alors, non, il n'y a pas de compteur. C'est juste... Rien inventé, mec. J'ai pas dit que j'avais inventé. C'est pas tout à fait comme ça dans Death Note. Parce que t'essayes de faire ton geek de l'extrême, je connais aussi, et ça se présente pas tout à fait comme ça. Alors, dans Death Note, les mecs qui ont le regard de la mort, je sais plus comment ils s'appellent, voient les dates de mort de chaque personne. Et après, ils peuvent tuer quelqu'un en écrivant simplement le nom dedans. Alors là c'est pas ça. Là c'est juste, il y a pas le pouvoir de tuer qui que ce soit. Vous avez juste la date et en gros on imagine que vous allez avoir comme une lentille, sauf que cette lentille n'est que virtuelle et vous avez la projection sur votre rétine de la date de la mort de la personne que vous avez en face de vous. Et ça marche aussi par la télé par exemple ou Non, c'est que c'est IRL. Exactement, c'est que IRL, donc effectivement, si tu regardes Cyril Hanouna, tu sais pas. Putain, fais chier, ça, j'aurais bien voulu savoir. Et tu peux pas agir, en fait, sur cette date. Alors, non, alors si, justement, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas possibilité d'agir sur la date, donc moi, j'ai pas le pouvoir de rajouter des jours de vie aux personnes que je croise. En revanche, il y a un truc qui est, à partir du moment où je le sais, je peux agir en fonction. Et c'est là où ça crée justement, c'est là où le scénar est intéressant, c'est que tu peux influencer la date, quoi. On peut influencer et en fait ça crée juste ça crée une nouvelle forme de réalité à partir du moment où je décide de mon plein gré d'influencer cette date, soit en la communiquant. Si je communique et que je te dis demain tu vas mourir dans un mois, il y a de fortes chances que tu vives pas ce mois de la même manière. Et forcément, ça va changer. Et donc, alors, tu meurs plus tôt. donc potentiellement, tu meurs plus tôt. Mais la question qui se pose, c'est de savoir qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce que vous feriez de ce pouvoir. Ouais, même question. Ah, moi j'ai une petite idée. Il y a un site sur internet où tu peux parler sur la mort des célébrités. Mm-hmm. Donc peut-être que l'idée c'est d'aller voir ces célébrités, enfin les voir de visu, parce que c'est ça la contrainte. Ouais. De voir justement leur date de mort, essayer d'en voir un maximum et de faire des paris sur ce site. Ok, alors mais du coup ça t'apporte la richesse. Okay. Ah oui, c'est l'almanach dans Retour vers le futur. Exactement. Et est-ce que tu vois ta propre date si tu te regardes dans le miroir? Alors oui, voilà, c'est une bonne question. Non, bah justement parce que tu peux pas te voir toi-même sauf par un pouvoir de projection, et d'où le fait que tu puisses pas te connaître toi-même ta date de mort. Et tu peux transférer ce pouvoir ou non? Si tu l'as, tu te réveilles un matin et tu l'as. Même en enculant un peu quelqu'un. Je veux dire, c'est pas une MST quoi. Alors non, c'est ni une MST et tu peux pas décider de procréer à tout va pour faire en sorte d'avoir des générations de gamins qui auraient ce pouvoir-là. Merde. Ok, donc c'est un peu un pouvoir à la con, quand même. Hein. C'est un peu un pouvoir à la con, mais alors imagine... Donc, c'est juste traumatisant, parce que tu sais la date de la mort de tes gosses et de ta femme, quoi. Ça, c'est ce qui est traumatisant, sur le papier. Sauf que tu peux quand même influer là-dessus. Donc si tu vois que la date de la mort de tes gamins, c'est dans 10 jours, est-ce que tu paries sur le fait que ça soit une maladie et que ça puisse être traité, ou est-ce que tu te dis bon ben on va éviter de passer sous les échafaudages parce que peut-être que ça va être ça? Non, mais donc, t'annules ton abonnement au cours de solfège. Mais alors? Ouais, c'est vrai. Tu voulais dire un truc, Yves? Ouais, non, mais dans quelle mesure la date de la mort qui est affichée sur ta lentille de Végéta là, elle prend pas en compte justement le fait que t'es déjà distordu la réalité en sachant très bien parce que c'est quelque part ça peut donner des espoirs de se dire ok je le sais donc je vais pouvoir influer, mais en quoi tu peux influer à partir du moment où la date, tu vois ce que je veux dire? Alors c'est ça qui est intéressant, c'est justement en fait chaque action va conditionner une somme d'actions à côté, donc tu peux agir sur le futur, c'est pas comme dans Destination Finale où la mort t'aura pas toujours. Et je pensais aussi à Destination Finale. Non, tu peux agir sur le un des futurs, c'est ça qui est, toi tu restes dans une des réalités, et en fait à chaque fois que t'as une action comme enfin c'est le grand classique, donc il y a pas de destin en fait, c'est destiné à mourir tel jour ou dans les jours qui suivent. C'est en l'état actuel de l'espace-temps. Voilà. Exactement. Ouais. Okay. Donc tu peux vraiment influer sur. Si on considère que le présent existe, ce qui n'est pas encore prouvé, si on considère que. Là. Tout de suite les grands mots. Okay, non, bah, bon, imaginons que le présent existe, à un instant T, tu connais, t'as accès à ces informations, mais c'est celles que tu vois, donc si t'auras pas l'humanité devant tes yeux pour savoir ce qui va bouger. D'accord. Si j'ai bien compris, c'est juste un gros warning. C'est un gros warning, mais qui peut être super cool, parce qu'imaginons, alors petite vue de l'esprit, tu croises, je sais pas, imaginons que tu te démerdes pour, déjà, la question c'est est-ce que t'en parles pas aux autres, donc ça c'est bon, imaginons que oui, et t'en parles mais juste à tes proches, qui ne te croient pas, parce que, enfin, bon, classique, casse son rendre, tout ça. Voilà, le scénar classique. Mais toi, tu sais, et tu constates. Et donc, du coup, tu dis comment je vais pouvoir me servir de ce pouvoir. Et potentiellement, tu vas essayer de croiser tous les gros enculés de ce monde pour faire en sorte que, tu sais que Trump va mourir dans 3 semaines. Bah, tu poses quand même des questions. Enfin, tu peux ultra bader si tu vois que Trump va mourir dans 30 ans. Ouais. Dans 1000 ans, ça c'est rigolo parce que potentiellement, tu vas croiser des gens qui vont être immortels. Tu vas croiser des enfants qui dont tu sais que potentiellement ils vont avoir une espérance de vie de dingue. Ben ouais. Et c'est là où ça devient drôle. Et alors la question c'est qu'est-ce que tu fais de ce pouvoir-là? Est-ce que avec ce pouvoir-là, en tirant un peu le scénar, je me suis dit, bon si je vais voir Trump, ok, je vois que potentiellement il va mourir imaginons 6 mois. Est-ce que tu sais si c'est à un instant T, tu peux pas savoir si le type va avoir un AVC ou si juste un énorme pignouf qu'il a déclaré une troisième guerre mondiale et qu'au final il va mourir parce que en fait le... Mais tu là tu vois tout le monde à la même date, en fait, identique, ouais. Ouais, c'est clair. Là, ouais, mais c'est là que ça devient hyper flippant, tout le monde à la même date. Alors justement, tu vas forcément croiser et ça du coup si tu te balades et tu vas au Sri Lanka. Où tu vas, au hasard. Au hasard, c'est un des pays qui est menacé par les gros flux, les mouvements migratoires. Et donc, tu vas dans certaines régions d'Asie, tu vas croiser potentiellement 10 millions de personnes qui auront exactement la même, enfin, à quelques heures près, la même date de mort. Et du coup, c'est qu'est-ce que tu fais avec ce pouvoir? C'est de dire à tout le monde, personne ne te croira, donc t'es foutu. Ce qui serait con, c'est de mourir le lendemain toi-même. Du jour où t'as pigé que t'avais ce pouvoir. Ah ouais. Ah ouais. Mindfuck ultime. Tu sais, t'as l'info. Voulant sauver une vie, par exemple. Tu sais plein de trucs. Mais tu le sais pas. Et en fait, bam, tu meurs comme une merde. Voilà. Fin de l'histoire. Tu pouvais sauver le monde. Prochain sujet. Non, bah en vrai, je propose qu'on fasse un petit tour de table et qu'on imagine ce qu'on fait chacun d'entre nous de ce pouvoir. Peut-être tu veux commencer, Nicolas, bah, t'avais l'air d'être chaud sur le sujet. Non, j'étais chaud sur... toute une littérature là-dessus, je crois. Non, mais pour le coup, non, mais ça fait penser à Destination Finale où bah, tu sais que les gens devaient mourir. Donc, bon, ça a été, c'était balayé sur le fait qu'on pouvait agir sur le futur. Death Note, qui est un peu dans le même genre, on connaît la date de mort des gens. Et moi, qu'est-ce que j'en ferais? Bah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les sites où tu peux miser. Tu peux parier sur fais du blé, quoi. Bah, ah non, après, bon, les proches, etc., mais ça, vous allez en parler, mais non, pouvoir miser, justement, sur la mort d'une célébrité et faire plein de pognon, bon, tu dis, au moins, c'est lucratif, et après, tu peux sauver le monde avec tout cet argent que t'as gagné. Ok, mise en abîme. Là, ce soir, tu nous regardes, tous les trois, et tu vois la date de notre mort. Tu fais quoi? En fait, il a déjà ce bah, écoute, je pense que tu bugs déjà dans un premier temps, enfin, mais c'est quoi ces chronos au-dessus de votre tête? Personne ne les voit à part moi. Et le temps d'identifier que c'est la date de vos morts. La calotte de vos morts. La calotte chauve de vos morts. Ah, ça se fait on dit pas encore un prochain sujet, je crois. Non, je pense, bah, le temps de réaliser, etc. Je pense qu'il te faut 2-3 jours aussi pour savoir à quoi ça correspond. Enfin, c'est pas parce que t'as un chrono dessus de la tête que. Oui. Tu définis que la personne va mourir. Sauf si t'as un petit picto. Non, alors, ouais. Après, s'il reste 30 secondes au-dessus. La user interface, l'interface a été assez mal pensée. En termes de mix, on n'est pas au top du top. Et non, agir là, non, c'est quand tu vois un maximum de personnes et que tu as déterminé que c'était vraiment l'heure de leur mort, enfin le moment de leur mort, bah, essayer de le contrer, etc. pour les personnes qui sont proches. Après, bah, j'espère que dans notre entourage, il n'y a pas de personnes qui vont mourir dans le mois à venir ou dans l'année à venir. Donc, Ouais, donc ça veut dire que tu considères que finalement mourir à plus de 75 ans, ça va, c'est cool, t'as une bonne vie. Et on exactement. Est cool, non, mais après, c'est peut-être le moyen de déterminer en fait à quoi à quoi correspond ce chrono. Et donc, en se baladant dans la rue, et je pense que tu déduis assez rapidement que les personnes plus vieilles ont peut-être des chronos plus courts. Ouais. Et donc, une fois que tu l'as déterminé, tu peux vérifier en allant dans une maison de retraite et voir justement. Ok, ça fonctionne, et ouais, après agir et... Non, mamie, c'est pas Jojo. Non, et peut-être c'est un moyen de le prouver à tes potes, d'aller en maison de retraite, de faire venir tes potes, et c'est horrible, mais... Bah celle-là, elle lui a 7 heures. Ah mais là... Voilà, exactement. Ouais, alors moi... Ou dans un hôpital. Dans un hôpital, dans les cas graves, enfin je sais pas, dans une aile de l'hôpital qui est un peu badante, et... Ouais, t'en fais ton métier, quoi. Voilà. Ouais, alors si t'en fais ton métier, ça c'était c'était une des versions possibles du scénar. C'est si ça devient ton métier, tu deviens une forme d'oracle. Et c'est oracle de la mort. Enfin, tu vois, c'est pas non plus. Non, mais bah, j'ai pas dit que t'avais le job le plus cool du monde. T'es pas VRP d'une île déserte. Mais néanmoins, c'est quand même c'est là où ça va être intéressant, c'est que ce pouvoir-là, il va vouloir être. Enfin, tu vas être assailli de demande pour que ce soit récupéré. Oui, tu deviens prédicateur. Ou... Non, mais c'est super utile, par exemple, pour l'industrie pharmaceutique, pour les tests en double aveugle. Tu vois tout de suite, tiens, avec ce traitement-là, avant même qu'ils soient injectés, tu sais. Tu tends le bocal, ou tu tends les cachetons. Non, mais voilà, ça augmente l'espérance de vie. Boum, boum. C'est ouais, hyper mais tu pratique. Sais pas comment va être la vie, par exemple. Tu vois, t'as un traitement et en fait, le mec, il devient complètement paraplégique, mais il a envie. Ouais, mais toi, ouais, t'as pas toutes les données, t'as juste les données. C'est presque zéro données, donc. Non, effectivement, je te rejoins là-dessus. Potentiellement, tu peux être employé par le corps médical. Tu deviens le freelance. Ouais, t'es consultant pour Sanofi. D'accord. Non, mais c'est super. C'est un super job. Yves, t'avais peut-être une idée, toi? Ouais, non, mais c'est, effectivement, alors, au-delà de comment tu agis, déjà, comment tu réagis. Donc Nico, je pense qu'on est tous à peu près dans le même cas, un peu désarçonnés, un peu machin, le temps de digérer un peu le truc. Mais alors après, effectivement, on se pose la question dans quelle mesure je me fais pas bouffer par mon pouvoir déjà, parce que si tu croises tout le monde avec le compteur sur la tête et que t'as un petit peu d'empathie. Ta vie, elle n'existe plus. Enfin, je veux dire, c'est plus un job, c'est une obsession, quoi. Donc, comment tu le... Ouais, je pense que tu peux plus rien faire, en fait. Comment tu l'intègres? Une fois que tu l'intègres, si tu le surpasses, parce que finalement, ça devient une donnée comme une autre, au final. Mmh. Et puis, effectivement, dans la plupart des cas, c'est quand même un peu marqué sur le physique. Je veux dire, effectivement, une grand-mère... enfin, une grand-mère versus un gosse, bon, a priori, s'il n'y a pas de... Voilà, de mauvais délire, on... Ouais, ouais, je visu, ou si tu l'estimes déjà sans avoir le pouvoir, mais ouais, déjà en termes de réaction, difficile à dire. Ensuite, une fois que c'est intégré, effectivement, t'as vite fait de l'utiliser à bon escient. Ouais, bon escient. Oui, parce que le pouvoir est bien établi. Tu peux faire, vous voyez Pharma Bro, là, j'ai oublié son nom, le mec, qui avait acheté les droits sur un médicament. Oui, tout à fait, ouais. Et qui a augmenté, qui a multiplié par 600 le prix du médicament. Une fois que ton pouvoir est bien établi, tu dis, mec, je t'ai croisé, désolé, mais là, il te reste plus de 3 semaines, je pense que t'as une maladie bien dégueu, mais, viens avec moi à l'hôpital, j'ai une bonne solution, pour augmenter ton espérance de vie. Ouais, mais je pense que si t'es le seul, après, évidemment, c'est toujours pareil, tu fous le bouton de la bombache, dans les mains d'un seul mec, tu peux pas savoir ce que ça va donner. Mais si t'es le seul à avoir ce pouvoir, t'es quand même désigné, donc tu fais pas de conneries. Mais alors, justement, en fait, je suis persuadé qu'en fait, ce pouvoir qui a l'air un peu, t'as plusieurs options possibles. Soit t'en fais rien et tu te dis, ok, j'essaie de l'oublier, ou finalement, enfin, potentiellement, je me tire une balle parce que c'est trop de pouvoir. Mais tu peux aussi imaginer que la relation qu'on a tous à la mort change radicalement. Et qu'à partir du moment où tu l'annonces, bah du coup, la vie prend un autre sens. C'est que si tu te dis à quelqu'un, il te reste 20 ans à vivre, quand bien même ces 20 ans, ou même là, dans notre cas, on est tous, je vais pas dévoiler nos âges respectifs, mais on est tous trentenaires avancés. Et si on nous dit, à tous, il vous reste 42 ans à vivre, ok, cool. Le simple fait de le savoir, bah même si c'est loin, je pense que tu réagis. Il y a plein de trucs que tu vas faire en disant oh, putain, 42 ans, ça doit être super loin. En fait, je vais quand même profiter de la vie différemment. Ouais, mais t'as tout changé justement. Tu fais une rupture dans l'espace-temps et pour le coup, le truc il va peut-être mourir avant. C'est si le mec il fait sa bucket list, je veux sauter dans le vide. Ouais, mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que dans ce pouvoir-là, alors certes, t'as une infinité de possibilités. Ça va à chaque fois que tu dis ok, je vais sauter en hélico et en fait, bah, juste, tu vas mourir comme une merde. Parce non, mais à partir du moment où tu le dis à quelqu'un, en fait, la jauge, elle va changer. Mais c'est ce que j'allais dire. Et tu vas lui redire, ça va changer, et il va rechanger. Alors, enfin, son mindset va changer, et tu vas le mec, il va mourir tout de suite. Non, le setup, c'est tous les matins à 8h. C'est tous les matins à ton réveil à toi. Ah, mais tu changes de vie. Non, mais c'est bien, c'est bien. Vous ne posez pas toutes les questions. Ok, ok. Pourtant, tu parles. Monsieur, non, moi j'avais une idée de job. Enfin, une fois que t'as ce pouvoir, alors t'as 3 possibilités, enfin 4, c'est soit t'en fais rien, soit tu te suicides parce que c'est trop de responsabilité, soit tu fais le bien, et si tu veux faire le mal ou penser qu'à ta gueule, soit tu fais du fric. Apparemment, c'était ton plan. Ouais, mais en fait, il y a mieux que le pari sur la mort des célébrités, parce que ça devient un peu compliqué pour mettre en place, etc. Et peu que toutes les célébrités que tu croises, c'est dans 10 ans. Bah, c'est pas très rentable immédiatement. Par contre, réussir à convaincre quelqu'un très haut placé chez Allianz ou chez AXA ou chez un assureur en lui disant non, l'assure pas, il va mourir dans 2 ans, c'est pas rentable. Tu peux l'assurer. Ou tu lui donnes des contrats courts. Enfin, lui, voilà, et tu fais que ça. Et le mec, il va vérifier une première fois, une deuxième fois, etc. Et là, après, tu veux dire que le petit Timmy qui va mourir dans 2 mois. Ça. Mais alors du coup, c'est quoi ta politique tarifaire? Lui, tu lui fais gratos. Non, tu prends pas, t'augmentes la rentabilité de l'assurance. Tu prends que des mecs qui ont une espérance de vie de dingue. Ou pour les prêts bancaires, enfin, c'est des trucs... Donc très rapidement, tu fais de ton pouvoir un beau truc de bâtard. Exactement. Merci Nicolas de donner espoir dans l'humanité. On va vite conclure, je pense, sur le sujet. Je suis pas sûr qu'on ait fait le tour. Moi, je pensais aussi, finalement, on a un nouveau pouvoir. D'où il vient? Je pense que c'est hyper intéressant aussi de se poser cette question. Ça met les choses en perspective. Est-ce que c'est une force venue du cosmos? Est-ce que c'est Dieu? Ça met quand même, ça pose beaucoup de questions. Mais la rationalité de la mort ou son irrationalité, à partir du moment où tu sais quand tu vas mourir, c'est, enfin, que tu crois ou non en Dieu, ça te passe quand même un peu au-dessus de la mêlée. Et effectivement, je pense que très rapidement, alors au-delà de vouloir faire des thunes sur, en spéculant sur la mort des stars, merci Nicolas, ou en montant une joint venture avec AXA, ce qui est aussi une possibilité, le simple fait de le savoir, je pense que tu changes de statut et tu peux être un dieu pour les autres et te dire, ok, je vais juste kiffer. Et les gens vont m'adorer, m'amener des petits biscuits chaque matin, je vais devenir obèse. T'es Raël, quoi. Si ça arrivait en vrai, très rapidement, t'as la CIA ou un service secret quelque part qui te chope, qui t'enferme dans une cave, et il te présente des gens de temps en temps, t'es enfermé dans ta cave, et combien de temps, lui? Et voilà. Est-ce qu'on agit ou est-ce qu'on n'agit pas? Est-ce qu'on tue ou pas? Non, mais c'est juste, ce sera ça, je pense, la fin mot de l'histoire. Je t'emmène avec moi dans une cave. Je suis sûr que ça existe déjà. Mais oui, bien sûr. C'est sûr. Si on y a pensé, c'est que ça existe. C'est les reptiliens. Exactement. Ou les Illuminati, je sais pas. Je suis pas très au fait. Je suis pas très fort là-dessus. Non, Patrick dit rien. Pour une fois, il dit rien. Donc c'est qu'il sait des choses. Je préfère pas m'étendre sur le sujet. Je sais pas si vous savez, mais Yves Calvici, c'est quand même marrant parce que son nom de famille, c'est quand même bizarre parce que c'est aussi un spécialiste des cheveux. Le mec s'appelle Calvici et c'est un spécialiste des cheveux. C'est vrai ou pas? Bah ouais, je commence à bader parce que je deviens un peu chauve. Ah ouais? Voilà, ouais, c'est vrai. Je voulais en parler, je commence à être un peu chauve sur le dessus. Mais t'as les cheveux hyper longs pourtant. Ouais. Comme le chanteur de Sinsemilia. Exactement, ouais. D'où la grosse balance. Tu vois, c'est t'imagines le mix entre le rasta blanc et les chaussées au moine. Ouais. Chaussée au dread. Chaussée au fromage de bite. Donc ouais, non, pas tout le Noël à Calvici. Parce que, il y a des, alors je sais pas si vous avez vu, là, en ce moment, il y a un gros sujet avec le médicament, exactement, l'industrie pharmaceutique et je sais plus comment il s'appelle, bref, le médicament qui te fait juste ultra bader, qui t'empêche de bander, qui te met à partir en dépression, machin, enfin bon, bref. Donc c'est un gros topic un peu badant. Et c'est vrai que là, pour le coup, la calvitie, on est quand même en 2018, et la calvitie, alors tu peux trouver une épingle à cheveux. En fait, on est quand même en 2017, hein. On est déjà dans le futur. Tu trouves une épingle à cheveux dans la fosse des Mariannes par satellite, machin, les couilles, trucs, mais alors t'es incapable, de régler le problème de perte de cheveux, quoi. Non, mais de régler un truc assez, enfin, pour le coup... Oui, commun, c'est... Enfin, hyper répandu. Où tu peux te faire un sacré paquet de pognon. C'est clair. C'est clair. Et c'est le lobby pharmaceutique. Alors, c'est la même chose pour les bagues de FIPA, les collants de FIPA, les caries qui peuvent être soignées. C'est le lobby pharmaceutique. Mais il y avait une raison biologique à ça. C'est lié au fait que c'est lié à la testostérone, je crois, non? Le fait est qu'on n'a pas forcément... Enfin, moi, je préfère perdre mes cheveux. Alors, en l'occurrence, de tout le monde autour de la table, c'est moi qui en souffre le moins, mais je préférerais perdre mes cheveux que ma testostérone. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même super badant de plus pouvoir. Ouais, c'est pas corrélé. C'est pas corrélé. Alors si. Ah si. Médicalement, en fait, l'alopécie est liée à un excès de testostérone. Et donc l'alopécie. Professeur Bouchité. Et du coup, oui, c'est les deux facteurs sont corrélés chez l'homme comme chez la femme d'ailleurs. Et vous pouvez checker ça sur les internets, hein, chers auditeurs. Et c'est ça qui est un peu badant, c'est que dans nos cultures, on perçoit ça comme une sorte de perte d'une forme d'attribut, de séduction, de je sais pas quoi, alors que en vrai, logiquement, t'as plus de testostérone, donc t'es plus animalement désirable. Et moi, je challenge l'idée que d'être chauve, c'est pas sexy. Il y a des beaux mecs chauves. Bruce Willis, ouais. Vin Diesel, Vincent Lagaffe. Non, enfin, non, mais en vrai, il y a des mecs chauves. Enfin, je veux dire vraiment la boule à Z qui sont pas chum. Alors là, la boule à Z aujourd'hui, en fait, je pense que au niveau du style et du kiff, c'est devenu moins pire qu'avant parce qu'on a la barbe. En fait, c'est ce que j'allais dire. Et non, il y a 98 avant. Mais quand t'as la double peine, non seulement tu perds tes cheveux, en plus t'as pas de barbe. Mais t'es chumest. 35 ans, comment tu fais? T'es chumest. Ah non, c'est très délicat. Faut que tu sois bon en cuisine. C'est oula, le mec il m'a saoulé. Il a perdu tous ses cheveux, il a tout mis les cheveux sur la tête. Je pense qu'il faut qu'on introduise cette rubrique imitation. Alors il y aura un petit final imitation, je vous le cache pas, ça sera une rubrique récurrente. Mais non, mais être chauve, bon, après tout, c'est la vie, quoi. Enfin, je sais pas, les mecs deviennent chauves. De toute façon, quoi qu'il arrive, même les mecs qui ont beaucoup de cheveux, tôt ou tard, ils perdent un peu leurs cheveux. Non, au-delà de l'état de fait, effectivement, et de la situation personnelle de chacun et individuelle, et moi, je m'interroge sur le fait qu'il n'y ait pas une solution toute trouvée depuis déjà bon nombre d'années. C'est les reptiliens. T'as des solutions chimiques qui. Ouais, mais tu te suicides ou tu bandes plus. Ah ouais, le problème c'est les effets secondaires. C'est qu'une, on peut, c'est hyper, enfin ceci dit, ça semble assez logique. Comment tu veux ne faire repousser des poils qu'à un seul endroit de ton corps? Et moi j'ai une petite anecdote là-dessus. J'ai un pote qui a perdu ses cheveux, qui a commencé à perdre ses cheveux à genre 20 et des bananes, quoi. C'est un pote que, comme le mec, tu dis, ouais, mon pote, il a des problèmes d'érection. On parle de ce pote là, en fait c'est moi. Et néanmoins j'avais quand même un pote à l'époque qui a commencé à perdre ses cheveux avant moi, et on en avait parlé. Il m'a dit, oh, j'ai un truc miracle pour toi et tout, c'est super cool. Tu le fais pas avec ta voix. Ouais, c'est toujours moi. Donc effectivement, c'est une mise en abyme de moi-même. Oui, on a bien compris. Ouais, et donc il me conseille le produit en question, dit miracle, qui avait favorisé la repousse de ses cheveux, ce que j'avais pas vraiment noté, mais bon, le mec était convaincu, et donc je vais la faire. T'as vu l'art de sa mort, du coup. Ouais, j'ai vu l'art de sa mort. Attendez, un peu trop de teasing là. Et du coup, je vais à la pharmacie, j'achète le 10 produits. Donc déjà, c'est extrêmement cher. C'était genre 40 balles le flacon. Et tu sais, en plus, ils te disent pas combien de temps ça dure. Donc bon, bref. Donc tu dis, je mets 40 balles pour voir. Et donc tout le truc, j'ai essayé. Donc c'est des pchits, c'est une application sur le crâne. Tu masses. C'est un peu du pétrolane, mais c'est pétrolane mélangé à du Roundup, quoi. C'est un pétrolane avec du glyphosate, des vrais morceaux de glyphosate dedans, et tu regardes la liste des effets secondaires, et là tu bannes. Et en fait, mon pote m'a dit, ouais, bon, alors en fait ça marche pas mal, mais je commence à avoir pas mal de poils dans le dos. Et là je me suis dit, franchement, choisir entre avoir des poils dans le dos et être chauve, j'en ai rien à foutre, je serai chauve. Et mon problème principal, alors au-delà du fait que les autres effets secondaires, c'est le fait que tu bandes plus, t'es plus aucun désir sexuel et que tu sois complètement déprimé. C'est difficile de faire la balance entre être séduisant et baiser. Bah voilà. Alors moi je préfère être moche et baiser, à choisir. Non mais oui, c'est vrai. Et sur quoi t'es super fort. J'ai un pote qui m'a dit, je préfère être moche. Cette histoire me parle, mais putain, pourquoi ce sujet, mais j'ai rien demandé à faire. Non, mais c'est ça. Alors je suis complètement d'accord avec toi, Patrick, parce que Nicolas, finalement, c'est toi le plus chauve. C'est vrai, c'est moi. Ah putain, mec, on se voit dans ton crâne. Bah ouais, c'est vrai qu'à la différence de Patrick, moi j'ai la trace des cuisses ou les golfs, il y a plein de noms. Non, moi mon interrogation, c'est plus... Ah, on appelle ça, bah, je le montre, c'est con, mais... C'est les cuisses de qui? La trace des cuisses. C'est des belles cuisses, déjà. Vous connaissiez pas. Cuisses, trop cuisses. Vous connaissiez pas la trace des cuisses. Bon, les golfs, alors, si vous préférez. Mais l'image de trace des cuisses, elle est évidente, non? Oui, du coup, ça ressemble un peu. Ouais, c'est un peu plus rigolo que le golf. Du coup, il y a des petites images un peu sympas qui peuvent venir à l'esprit. Alors, moi, j'ai longtemps été rasé. Il y en a qui m'ont connu rasé toute ma jeunesse. Donc, j'ai aucun problème avec le fait. Et je rejoins, je sais plus si Patrick l'a dit à l'instant. Faut que ça tombe tout d'un coup à la rigueur. Enfin, c'est quand est-ce que c'est fini, il y a plus de cheveux, comme ça t'es tranquille. Et mon interrogation, c'est plus ceux qui essayent de cultiver semblant de, ouais, la mèche, ou le chaussé au moine, ou les camoufleurs. Et ça, je ne comprends pas, en fait, rase tout. Je sais que tu connais un gars. Oui, je connais un gars, on va pas le citer. Il pourrait écouter, donc on va pas trop en parler. On va l'appeler Michael Rock. Exactement. Et donc Michael Mais Rock il y en a plusieurs, est un camoufleur notoire. Exactement. En tout cas, mais il y en a d'autres, Non, il y en a beaucoup. Et c'est voilà, c'est où d'un moment tu laisses tomber et ça ne sert à rien et c'est presque plus pathétique qu'autre chose de d'avoir bah, soit le chaussé au moine, soit la petite mèche qui est relevée sur le dessus du crâne et voilà, faut. Alors, c'est tombé. Il y a un moment faut assumer. Ouais, alors faut assumer. Moi, je te rejoins complètement. Hein. C'est le problème de la gaze ici, c'est la phase transitoire. Et c'est celle-là qui fait un peu chier, c'est qu'à un moment t'as l'air d'un con, et tu te dis, tu te vois le matin dans le miroir, tu te dis, ok, je suis encore cool, ça va, et après tu vois les photos de toi, alors qui plus est, moi je suis un légèrement plus petit que la moyenne. Ouais. Non, mais c'est ça, c'est aussi une question de gabarit. Ouais, alors ça, non, mais, moi ça va, t'es grand, ouais, mais moi, je m'assois de temps en temps aussi. non, mais si, genre, je suis d'accord avec Patrick, t'es un mec costaud, chauve. Ça fait le genre Batch Best, Vin Diesel, tu vois, t'as un mec une fascination pour Batch Best, non? Ouais, j'aime beaucoup ce mec. Ce mec, mais... le meilleur ouvrier de France. Alors que t'es petit, un peu malingre, un peu comme Patrick. Oui, t'as l'air de sortir d'un camp de la mort, quoi. T'as effectivement vite l'air d'être juste sorti d'un camp de la mort. Alors ça bon, dès qu'une grippe passe par là, il se passe à peu près la même chose. Mais au-delà de ça, alors oui, tu t'assois, sauf que je pense que quand on te voit au quotidien, on te voit tout autant, on te voit beaucoup plus debout qu'assis, en réalité. Et ça dépend de ton boulot. Moi, je suis assis sur mon trône toute la journée. Ouais, je peux te dire, me voici, mais j'ai pas de problème de calvitie. Tu fais référence au fait que tu dormes dans les toilettes de ton. Il y a quelqu'un là, qui les Non, je faisais référence au. Enfin, bon, bref. Alors, pour revenir sur les camoufleurs et. Mais alors, les solutions, ouais. Ouais, alors, il y en a qui marchent. Alors, moi, j'en ai vu une. Oh, parce que c'est pour ça. Greffe, il y a les artifices, voilà. La greffe, oui. Yves Calvici, alors justement, c'est Yves Calvici, la greffe, c'est Yves Calvici, je l'ai fait. L'autre? J'ai entamé les démarches, d'accord? Ça coûte 100 balles. Par cheveux. Ça coûte 100 balles pour t'entendre dire de la part d'un mec de 75 ans, avec une moumoute, avec une gaufre à crème. Ah bah ouais, parce que le mec, il pèse, je sais pas, 100 kg par mois, il passe 9 mois de l'année à Nice et dans les dom-toms petits pointis là. Alors le mec il se met bien, c'est un méchoui physiquement, mais avec une touffe mon gars, et il prend 100 balles juste pour te dire ah ouais ça va vous coûter 4000 balles devant, 4000 balles derrière. Bon, à toi de savoir si tu veux partir en vacances en famille ou alors te faire greffer ta zone de crâne et en prendre pour aller reculer l'échéance de 10 ans. Parce que c'est pas C'est pas permanent. C'est quoi le process? Parce que moi, de ce que j'avais cru comprendre à l'époque, je me demande si c'était pas vraiment lié à Yves Calvi qui est réapparu chevelu à un moment, genre après quelques semaines de vacances, ils te font bien des petites incisions pour t'insérer des nouveaux vœux. Alors ça c'était un an, quoi. Non, ça c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, ils te prélèvent. Donc toujours pareil. Les carrés de pelouse du Stade de France. Les cheveux au niveau de la base de la nuque, mais ils te tapent des greffes, je sais pas. Enfin, j'ai des autogreffes en fait. Ils prennent chez toi. Ouais, ils t'autogreffent et ils prennent des carrés de 5 cm sur 5 cm. Tu veux dire quoi? Ils te plaquent le truc. Ouais, ils font ça le soir. Le lendemain, t'es au taf. Je peux ouvrir une petite parenthèse, t'as dit, ils te prélèvent des cheveux à la base de la nuque. Ah, désolé, ça va me faire la soirée. C'était le but. Ouais, bon, alors il y a. Donc il y a ça, donc il faut être fortuné. Mm-hmm. Et autrement, t'as le man bun. Mais alors, je me suis renseigné, le man bun. Bon, faut assurer. Mais c'est quoi le man bun? Le man bun, c'est chignon pour mec. Okay. Parce que t'as les cheveux longs. Ouais, mais voilà, mais attends. On cherche, on trouve. Donc ouais. T'as un man bun, tu te fais un petit man bun. Donc tu te laisses pousser les vœux et après tu te fais un chignon sur ta zone de calvitie. Ouais, mais... oh. Ah bah ouais, non mais attends, c'est hyper. Ah, c'est hyper, mais bien sûr. Et tu fais le cateau grand. C'est un truc de bobo ça, le man bun. Ouais, non, mais d'un mec qui a pas mangé des vœux, je t'aime. Bref, quoi qu'il en soit, je me suis dit man bun, tu vois. Et je suis allé regarder un peu sur internet. Et la suite de l'histoire, c'est que le man bun, attention, cette coiffure soi-disant cool peut accélérer la chute des cheveux. Donc, pour le coup, ça aurait accéléré la chute des grosses vannes, surtout, je peux le dire, je te préviens. Mais fais-le. Bon, je vais peut-être tenter mal. Ok, bah écoute, on a hâte de voir ça, mais il y a aussi, attends, on oublie une méthode traditionnelle qui est tout simplement le toupet, voilà, enfin, le président du monde, Donald Trump. Ouais, non, mais on l'oublie pourquoi? Parce que c'est juste dégueulasse, moi, d'accord. Alors, attends. Trump, il est assez beau gosse, il se tape des nanas plutôt pas mal pour son âge. Trump, il a vraiment un toupet? Oh bah ouais, je pense, enfin je sais pas, il a une gueule, la gueule du mec qui porte un toupet, je trouve. Ah mais il a des... En tout cas, il ne manque pas de toupet. Okay. Non, merci, au revoir. Alors nos auditeurs qui sont déjà morts en fait à l'instant. Je les ai. Ils ont eu un cancer. Non, t'as le tatouage, je crois, autrement tu peux faire. Bah avec le cas qu'on a en commun avec Patrick, c'est qu'on perd au dessus. Ouais. Sur le dessus, et là tu peux faire en fait du tatouage. Ouais, mais ça dépend du style de cheveux. Je pense que pour Julien, il a un style capillaire, Julien, qui serait difficile au niveau du tatouage. Mais non, le tatouage ça marche pas. Mais non, mais ça remplit les zones blanches en fait. Oui, mais si tant est que tu portes court. Bah ouais, nous c'est vrai que c'est un peu plus court. C'est sûr. Ouais. Tu fais des petits points comme si tu venais. Je pense qu'avec Patrick, on est peut-être moins attaché à nos cheveux, parce que toi, t'es connu comme... Non, mais en plus, je pense que c'est lié aussi à ton style de cheveux. Pour le coup, comme t'as des cheveux assez volumineux, on va dire, c'est plus marqué. Non, absolument. Quoi. Quand c'est un marqueur clairement identitaire, c'est d'autant plus bien. Mais comme ton hijab, d'ailleurs. C'est un gros marqueur identitaire pour toi aussi. Bref, on est en 2018 bientôt et la solution n'est toujours pas trouvée, c'est aberrant. Bah ouais, c'est vrai que c'est particulier, il y aurait du business à se faire. Hein. Peut-être que quand t'auras trouvé la date de mort de tout le monde, t'arriveras peut-être à financer les recherches là-dessus. Nicolas? Sur les cheveux, enfin sur Nicolas, des cheveux. Ouais, Nicolas, tu nous as parlé d'un business model tout à l'heure, ça pourrait financer de la recherche là-dessus, non? Oui, tout à fait. Oui. Mm-hmm. Non, après, si tout le monde meurt au même moment, à la rigueur, ce sera pas ma priorité. Pas faux. Bon, ben, je pense qu'on va peut-être conclure là-dessus. Enfin, vous avez peut-être un dernier mot à dire sur les modes capillaires, sur les cheveux, les coiffures. Non, depuis tout à l'heure, Patrick regarde tes cheveux, il est dégoûté, mais. Ouais, en fait, je vous regarde et j'ai envie de chialer. En même temps. Je vous aime, hein, mais là, il y a trop de capillarité, puis je vois que toute votre personnalité se résume par ça, et ça me rend triste. Je préférerais qu'on soit tous chauves. Et là, c'est un peu comme les uniformes à l'école. Ouais, mais tu sais, les combinaisons en mohair, il n'y a plus de cheveux, tout le monde est beau, et puis on se frotte. Ouais, c'est bien, ça pourrait être un bon sujet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de mohair? Tout en mohair. Mais ça, je pense que notre amie Elodie Fréchet nous en parlera plus loin. C'est vrai que, alors, normalement, là on est quatre, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, on est quatre, mais la semaine prochaine, on accueille notre cinquième acolyte. Elodie, donc une petite touche de féminité. Et c'est ce qui manque peut-être, parce qu'en fait, on parle de la calvitie, mais les cheveux, c'est aussi fait pour plaire, etc. Et donc, il faut peut-être demander l'avis d'une femme, dans notre hétérosexualité, pour donner son avis sur les hommes chauves et chevelus. Alors, Patricia, Patricia Bouchit, qu'est-ce que tu en penses? Patricia. Moi, je sais pas, il y a quand même beaucoup d'articles là, ces derniers temps dans les magazines féminins la con qui parlent de la désirabilité des hommes atteints de calvitie, ou en tout cas en calvitie en devenir. Parce qu'elle est dure à qualifier. À partir de quel moment? Alors, les golfs, ok, c'est cool. Je pense que les golfs, tout le monde s'en fout. C'est tu perds tes cheveux par le devant, alors sauf si vraiment c'est prononcé, ouais c'est ça, c'est accepté. Mais le vrai problème c'est le chaussé au moine, c'est quand ça part de là, t'as l'air d'avoir vraiment l'air mais con. Tu rases sur les côtés, c'est fini. Ouais. Moi je comprends pas, en fait il faudrait interviewer quelqu'un qui a ce problème, en fait la couronne tout autour. Bah, Yves, du coup. Alors revenons au début du sujet pour le clôturer. c'était gratuit, voilà, c'est absolument pas vrai. Bon. Attention les gars, vous connaissez le principe des blind tests? Oui. Okay. Donc le principe d'un blind test, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est on passe de la musique en fait, et on est censé trouver le titre du morceau passé et le nom de l'artiste. Donc là ça va être un peu le même principe. Je crois que Nicolas nous a prévu un blind test un peu particulier, c'est ça? Tout à fait. Ce qui veut dire qu'il est en pleine de préparer une chronique et donc du télé, je vais faire un blind test. Exactement. Je pense que c'est celui qui s'est le plus emmerdé de tout ça. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de techno derrière. Là, l'idée, c'est très simple. Des chansons en anglais, traduites en français et castées par Google Translate. Donc le jeu, c'est de reconnaître, avec la voix de notre charmante traductrice, quelle est la chanson originale. Bon, j'ai pas prévu de système de points, mais on peut le faire à la rigueur, et ça peut être un fil rouge sur tous les podcasts. Okay. Et on cumule les points, etc. Donc vous avez un point quand vous avez le nom de l'artiste. Vous avez un autre point quand vous avez le nom de la chanson. Ok. Philippe Gordy. Ok, alors... Celui-ci ne compte pas, c'est l'exemple, pour que tout le monde comprenne bien. Donc vous pouvez participer dès le début, hein, c'est le premier qui a la réponse. C'est pour du beurre. C'est pour du beurre. Alors, prêt, test. Pompe le A et pompe le plus fort. Pompe le plus fort. Pompe le plus fort. Okay. Non, pas mal. Ok, ok. C'est le principe, je crois. Vous avez le principe. On est d'accord que là, tu viens de faire dire à Google, pompe le plus fort. Exactement. Alors, ils sont pas classés parce que c'est assez compliqué techniquement. Tu veux dire que t'as eu la flemme. Ben non, mais c'est pas facile à faire. Tu veux dire t'es chaud. Le prochain. Il crame un peu, non? Allez, on y va. Les flingues et amène tes amis, c'est marrant de perdre et de faire semblant. Elle se fait chier et a confiance en elle ou non. Je connais un gros mot. Salut, salut, salut. Bravo. À quel point es-tu mal? Salut, salut, salut. Pas mal. Et le Nirvana. Voilà. Allez, il remporte tous les points. Non, je l'ai dit, mais pas fort. Mais non, ça fait. Ah, t'avais dit Nirvana. Ah, j'ai dit Nirvana. Bon, ok. Ouais. Et on en réécoutera l'enregistrement. Mais j'ai dit Nirvana. Qui est une reprise, hein. Soit dit en passant. Non, pas Smell Like Teen Spirit. Si. Non. Alors, de David Bowie. What? What? La petite entorse, c'est l'inverse. C'est une chanson française en anglais. Oh putain, ça se complexifie. Ouais, c'est clair. Fix the future to which you risk yourself. Fixed all the names on the list of those who fell before their 20th year, not having managed what life gave them. Too immature, that sound boy you are, for sure. Too immature, you did not manage when you're drinking. Put down Dargun, put it down. Dargun, say Jaguar, Gorgon, boom, boom, bang. Bad boy, pose your gun, boom, boom. Alors, je pense que je vais perdre, parce que je n'ai pas du tout fait pour ça, mais en revanche, je trouve cette idée géniale. C'est parfait. Allez, on revient sur quelque chose de plus international, une chanson que vous connaissez tous, et je crois que Patrick, tu l'aimes beaucoup. Du parti ne se blesse pas. Je ne ressens rien. Quand vais-je apprendre? Je le pousse sur le bas. Je crois. Ah bah ouais, what is love? Non. Ouais, il y avait de l'entorse. Ah mince, je suis obligé de repartir à zéro, mais ouais. Les filles du parti ne se blessent pas. Je ne ressens rien. Quand vais-je apprendre? Je le pousse vers le bas. Je le pousse vers le bas. Je suis celui. Yeah, allez mecs. Balèze. C'est quoi? Chandelier, bien joué, chandelier de Sia. Ah. Vous faites les comptes et vous me dites à la fin. Deux. Non, ça fait plus. Là, il a deux points. Il a l'artiste et le nom de la chanson. Dino, il a quatre. Ah, on donne des points pour les deux. Bah oui, un point pour chaque. Comme ça, tu peux court-circuiter un mec. Donne le nom de la chanson, tu donnes l'artiste. Tu vois, c'était nul. Ok. Je suis nul. Dis pas ça, mec. T'es particulier, t'es différent. C'est toi, je suis nul et je suis chaud. Mais t'es grand. C'est que personne ne voit, donc on okay. peut dire ça. Donc personne ne voit. Vous êtes prêts? Thierry Antoine, le magicien, en fait, le mec est chauve. Allez, c'est parti. Ah oui, pardon. Voici une histoire à propos d'un petit gars qui vit dans un monde bleu et toute la journée. Un point chacun. Donc, et... Je vais pas y arriver. Bravo. Alors les paroles sont complètement abouties, mais je fais la confiance bien. Exactement. C'est très drôle. C'est très drôle. Putain, je déteste ce jeu, c'est horrible. Ok, vous êtes prêts? Vous connaissez tous, hein. C'est moi d'obtenir une action de la section arrière. Nous avons besoin de bercer le corps, pas c'est perfection. Laisse ton dos se retourner, mais ne glisse pas un disque. Laissez votre colonne vertébrale se détendre, juste prendre un risque. Je veux faire le monstre jusqu'à l'aube. Dites-moi les gens du parti S si mal. Le navire est amarré, interloquine. Et électrochoquant, nous commençons à agir par ordinateur, faire la satisfaction robotique. Tout le monde sort du mur à voir un ballon et s'impliquer avec. Le corps bouge. Le corps bouge avec le son ainsi apaisant. En fait, c'était le refrain. Body moving, body moving, body moving, body moving. Et la chanson? Les Beastie Boys, body moving. Voilà, ok, ouais, bah tu vois, tu es là, t'as tout le monde, Patoche. Allez, bravo. Encore une fois, bon, la traduction littérale hein, de Google, que... mais... Alors la traduction littérale de Google, ce qui est drôle, c'est que cette chanson, alors à l'inverse de peut-être certaines autres, je l'ai écoutée à grave quand j'étais adolescent, et je ne comprenais pas les paroles. Oui, mais je crois que les paroles... C'est ça, qu'il y a Google non plus, apparemment. Non, mais peut-être que les Beastie Boys non plus. Ouais, peut-être. Alors la suivante, Nicolas Demeret. Je fais des choix, j'essaie de me rappeler, c'est bon, je l'ai. Alors, un peu plus classique... Disons, pouvez-vous voir à la lumière tôt de l'aube que fait-on aussi fièrement à la dernière lueur du crépuscule? Dans les larges rayures et les étoiles brillantes par le combat périlleux. C'est du Bowie, ça, non? Sur les remparts que nous regardions, courait-il si galamment? Et l'éclat rouge des fusées, les bombes qui éclatent dans l'air, donnent la preuve par la nuit que notre drapeau était encore là. Où c'est? Est-ce que cette bannière étoilée est pourtant vague, le pays des libres et la patrie des bras? Ah, c'est le hymne américain? Tout à fait. Alors, j'ai pas l'auteur pour le coup, j'ai mal fait mon travail. J'ai pas regardé qui l'avait écrit. Et pourquoi la traduction sonne bien, hein? Ben oui. Ouais, très très bonne traduction, mais je pense qu'ils ont bossé. Enfin, à mon avis. Ouais, là, pour le coup, ils sont pas déconnants. Là, il n'y a pas de l'IA, là, c'est pas que. Ok, non. Ouais, là, je vous évite Toto Africa, où les paroles sont vraiment pourries. Ouais, on l'aurait pas eu. Alors là. Africa. Là, c'est rapidité. Vous êtes prêts? Ok, mec. We go. Ah, pardon, je me suis trompé de ligne. On va, te caillou. We will rock you, Queen. Eh oui. Attends, ça, c'était ma composition. Elle a dit quoi? On va quoi? Te caillou. Du coup. Oh putain, c'était ma blague. On n'y est pas quand même. Non, là, c'était moi. Alors, encore rapidité. Mon parapluie, UHU, j'ai essayé de faire de la phonétique, ça marchait pas. Attendez. J'ai perdu le compte. Ok, je l'ai. Prêt? Alors, c'est français vers l'anglais cette fois. Kyodo, it's the Gestapo. I'll get you, Mugwe Colombo. It wants to sell tons to Gustavo. A coffee without sugar, I'm full on the back. Hey, yeah, sweetie, the weather is nice. It's going to be 6 years that we put combos. I handle Melos, Rui, Orano. You wonder if it's not a plot. Sapped like never, undermined like never before, sap hairs like never, never sapped like never. Undermined like never before, sappers like never, never. Tu répètes beaucoup, c'est pas un jamais, truc jamais. De trap récent, genre un PNL ou un truc comme ça? On n'est pas très très loin. Alors, c'est contemporain, c'est une chanson de l'été Maître française. Gilles. Tout est un point. Comment? Comment t'as dit? J'ai pas entendu. Maître Gims. Ah, c'est Maître Gims. Et la chanson la plus connue? Bella. Ah, pardon. Bah, alors la deuxième plus connue? Il s'appelle comme jamais. Et exactement. Ah, comme jamais, mais bien sûr. Allez. Ok. Il m'en reste deux. Il m'en reste deux si je peux les finir. Après on fera le tri. Ouais, ouais, vas-y. Prêt? Oh oh. Non, ouais, yeah. Dire et dire et dire et didi d'adigo. Oui, tu sais que je t'ai observé un bon moment. Je dois danser avec toi aujourd'hui. J'ai déjà vu que tes yeux m'appelaient. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Show me the way. Show me the way. Show me the way. Ah oui, c'est vrai, je voulais passer en anglais en fait, erreur de ma part, je vais vous le faire en français. Oh, no, oh, no, ouais, yeah. Dire, dire, dire, didi, dadigo. Oui, tu sais que je t'ai observé un bon moment, je dois danser avec toi aujourd'hui. J'ai déjà vu que tes yeux m'appelaient. Montre-moi le chemin que je dois suivre. Putain, je l'ai pas du tout. C'est la chanson de l'été dernier, 2017. De Despacito? Tout à fait. Ah, putain, oh, t'as dit un qui, l'autre. Mais oui, on a deux espagnols, français, anglais, français, français, français, anglais. C'est vrai. Ah non, je crois qu'il m'en reste deux, pardon. Eh ben vas-y, on va, on est chaud comme les braises. Allez, balance, Philippe. Donc que ce soir va être une bonne nuit. Ce soir, c'est une bonne... J'ai pas entendu qui était le premier. Le Black Eyed Peas, j'ai dit, et lui, il a dit... Ah, bon, un point chacun. Partout. Allez, il m'en reste un, normalement. Je ne le trouve pas. Ah bah, alors c'est fini. J'en avais un autre que j'ai perdu. C'était Chaka Ponk et... Je propose que tu le fasses à la bouche. Mais je n'ai plus... C'est Chaka Ponk. Voilà, un point. Oh, t'es nul, Patrick. Et voilà, c'est la fin de cette super rubrique qui n'a pas de nom. C'est... Non, mais c'était très drôle. Franchement, bravo, Nicolas. Ne pas appeler ça un blind test, tout bêtement. C'est un blind test robotique. Alors, comment dit-on un blind test en robotique? Un test aveugle. Big fucking blind test. Un test aveugle. On va passer à la phase un peu coup de cœur, ça pourrait être sympa. Coup de cœur ou coup de gueule? Coup de cœur, coup de gueule, coup de sang, coup de bonheur, tout ça c'est important. Donc, l'idée là c'est peut-être juste de partager un peu les petits coups de cœur du moment. Ça peut être une série, un film, un disque, un podcast, un livre, enfin, ce que vous voulez. Dans l'idée, éviter un peu les trucs trop mainstream, je pense qu'il y a plein d'autres podcasts ou d'émissions qui font ça mieux que nous. Donc, essayer de parler d'un truc un peu original, sans pression, évidemment, de ma part. Without any pressure. Donc voilà, un truc un peu original, un peu sympa à partager. Je pense qu'on peut commencer par... Celui qui veut commencer. J'ai deux trucs. J'ai une série alors que beaucoup de personnes connaissent peut-être déjà, mais qui est plus informée que les grosses qu'on connaît habituellement. C'est Brooklyn Nine-Nine. Ouais, j'ai vu qui est une série exceptionnelle que j'ai découvert. J'ai regardé un premier épisode, ça m'avait pas trop plu, en me disant ouais, ça se passe dans un commissariat, ça me parle pas trop. Et après 2-3 épisodes, tu t'attaches aux personnages et leur humour est complètement barré et ça nous correspond tellement. C'est vraiment super drôle. C'est 20 minutes, les histoires se suivent un petit peu. Donc c'est le quotidien d'un commissariat avec Jack Peralta, interprété par Adam Sandberg, je crois. Et après il y a Terry Crews, un gros bodybuildé black américain. Ouais. Et c'est ce quotidien de ce commissariat où t'as que des personnages loufoques, mais pas trop en fait. C'est pas que de la vanne sur vanne, mais c'est des vannes qui sont, quand elles sont placées, ultra drôles. Et la série est passionnante. Et il y a 4 saisons sur Netflix. C'est sur Netflix, d'accord. Ouais. Et ça dure, ouais, 20-25 minutes. Moi, j'en profite pour regarder ça dans le. Ah, c'est le format quasiment sitcom, quoi. C'est exactement, exactement, oui. C'est pas. Il n'y a pas trop d'investissement de temps, un peu relou. Exactement. Parfois. Okay, ça marche très bien sur un parcours en métro. Ouais. Je lis ou je regarde Brooklyn Nine-Nine. Et ça fait ta matinée, par exemple. Si t'es mal réveillé, tu regardes ça, tu te marres vraiment dans le métro. Et, bon, top. Donc très, comédie très policière sur Netflix. Ouais, c'est policier, mais j'ai pas de référence d'autres séries policières humoristiques, mais. Ouais, The Shield, The Wire. Ouais, voilà. The Wire, non, c'est nul. J'ai détesté. Mais... Ouais, débat. Mais non, il a posté sur Facebook que c'était une des meilleures séries du monde, non? Non, c'était pas toi. Alors, je l'ai pas posté sur Facebook, non, mais oui, effectivement, enfin, The Wire, c'est quand même assez ouf. Après, il faut avoir du temps. C'est clair. Et c'est un investissement pour le coup, vraiment. C'est un peu difficile de rentrer dedans. Ouais, tu le... Moi, c'est une de mes séries phares. Mais il te faut quand même 15 heures avant de comprendre pourquoi t'as investi ces 15 heures. Donc, c'est clair. C'est pas évident. Bon, ben merci Nicolas. Yves, peut-être tu veux partager. Alors oui, moi j'ai toujours. Dans les, je peux te rapprocher de Nicolas. Ouais, moi j'ai bien aimé une mini-série humoristique sur Canal qui s'appelle Le Roi de la Vanne, portée par Guillermo Guise, bref, un Belge très drôle. C'est frais, c'est sympa, c'est marrant, le mec est drôle, et ça m'a, il doit y avoir 4 ou 5 épisodes sur le dot-com de Canal, et ça m'a fait ma semaine. Ça... Tu peux répéter le nom pour les auditeurs? Le Roi de la Vanne. Le Roi de la Vanne, tout simplement. Très drôle. Et on trouve ça sur Canal? Sur Canal. Sur Canal, tout simplement. Exactement. Eh ben écoute, excellent. Je vous invite à regarder, c'est fort rigolo. Eh ben merci beaucoup. Patrick Bouchité? Ouais, tout à fait. Alors moi j'en ai deux qui n'ont strictement rien à voir l'un avec l'autre, hein, les deux recommandations, donc l'une avec l'autre. La première recommandation, c'est un petit truc que j'ai trouvé, alors une petite pépite, encore une fois sur Canal, étonnamment. Mais pourquoi? Non, bah, cher, quoi, produite par Canal. T'as un peu de chez Canal ou quoi? Non, j'ai, oulala, on cherche des sponsors pour ce podcast, c'est pas? Et, oui, ça pourrait. Ils en ont peut-être besoin. Ils ont, et du coup, c'est le petit mini docu sur les surfeurs de la Côte des Basques. Ah, très bon. Ouais. Sur Studio Plus de Canal, donc je sais même pas si c'est encore visible en ligne, alors certainement que si, mais peut-être qu'il faut payer maintenant, ça a été gratuit il fut un temps, et ça doit être 10 épisodes, des formats courts, assez digestes, 7-10 minutes, quelque chose dans ce goût-là, donc on atterrit tout mouillé sur un format de 80 minutes. Très bien monté, très bien produit, et c'est l'histoire des... La jeunesse des années 80, à fond de drogue, à fond de conneries, et qui sont maintenant des quinquas complètement déglingués, et dont certains ont été ravagés par les excès de l'époque, et qui étaient donc les prémices du surf professionnel sur la Côte des Basques, donc à Biarritz, sur la plage légendaire. C'est dans le Pays Basque, la Côte des Basques? Alors, je croyais que tu faisais une faute de français. Non. Ok. Non, c'est pas la Côte Basque, c'est la Côte des Basques. Alors, la Côte des Basques, c'est le nom de la plage qui est à côté. Et eux, c'est le gang de la. Des requins. Grande plage, je crois. Bon, merde, non, c'est pas ça. Non, ouais, alors ça, c'est. Ils traînent tous au bar de la piscine du requin. Et l'autre. L'autre co, c'est le docu sur les Black Panthers. Et c'était quoi le nom? Excuse-moi, j'ai pas. J'ai plus le nom en tête, mais. Grosse préparation. On m'avait pas dit qu'il fallait que je prépare mon. Oui, il y a un moteur de recherche sur le site de Canal. Le temps que je fasse ma deuxième reco, mon assistant va pouvoir me retrouver ça. Et, non, il appelle un Uber. Biarritz Surf Gang. Biarritz Surf Gang, voilà. Et, la folle histoire du surf français. Voilà, parfait. Merci beaucoup. Et merci. L'autre cause, c'est le docu sur les Black Panthers qui est sur Netflix, qui est juste ouf en fait, et qui vaut vraiment le coup. Alors là, c'est 80 minutes, super bien investi, parce que ça permet de comprendre tout ce qui s'est passé derrière, et objectivement, on a beau se dire qu'on savait certaines choses sur le mouvement, c'est assez dingue en fait de voir comment ça s'est constitué et ce qui s'est passé à l'époque. Et pareil, plutôt bien foutu, ça se gourmande au coin du feu. Ça se gourmande. C'est à Nantes qu'on parle comme ça ou Alors à Nantes, effectivement. C'est toi la gourmande, gros putain. C'était très déplacé, monsieur. On parlait de petit lui. Balance ton porc. Tu en veux du saucisson qui pue le cul de porc, là. Donc Surf et Black Panthers, quoi, pour Surf toi. Et Black Panthers, exactement. Ben moi, je suis toujours un peu dans le côté Black, mais alors l'autre Black, parce que moi, je vais faire une reco musicale, si tu veux. Et je vais vous parler Black Metal. Alors déjà, c'est quoi? Alors le Black Metal, non, c'est vrai, peut-être que c'est pas un mouvement très connu. Alors c'est un mouvement musical extrême, vraiment. Là, pour le coup, on n'est pas dans un truc pour enfants de cœur. Ni pour chaud. Alors il y en a, mais c'est plus parce qu'ils ont une utilité un peu radicale de différents expédients pour changer leur physique. Rien à voir avec le gospel ou le négro spirituel. Alors pas trop, parce que alors pour le coup c'est un mouvement assez radical, notamment norvégien, et les mecs sont un peu parfois, voire même beaucoup fachos. Ils sont black dans le nom de leur. Ouais, mais black plutôt au sens ténèbres, tu vois, un peu côté un peu torturé. Donc non, c'est un mouvement qui a eu un gros pic culturel dans les années 90 en Norvège, encore une fois, avec Burzum, Mayhem, tout ça, ça a mal fini. Il y a eu des homicides, il y a eu des églises brûlées, tout ça, donc c'était assez violent, vraiment. Mais c'est un mouvement culturel qui était vraiment important dans les pays nordiques et en Europe de l'Est, notamment. Ils sont tous entretués, il n'y en a plus. Bah, alors en fait, il y a les deux grandes figures emblématiques qui se sont littéralement entretuées, il y en a un qui a fini en tôle et l'autre, bah, dans un cimetière, littéralement. Donc bref, un mouvement un peu particulier, et qui a un vrai renouveau en ce moment aux États-Unis. Et pour le coup, je me suis replongé parce que j'ai écouté un album de Mirkour, en l'occurrence. C'est mignon, et c'est Nana toute seule en fait qui fait ça, qui est d'origine danoise mais qui est basée aux États-Unis, qui a sorti un album cette année que je trouve très cool, qui avait sorti un album il y a 2 ans qui était très cool aussi. Et bon, je comprends que cette musique puisse rebuter à plus d'un titre, mais elle a sorti un EP qui est pour le coup folk, un peu, enfin vraiment à acoustique, qui est vraiment très très joli, je trouve, qui s'appelle Tfo. Fonungabarn, donc c'est tout ça, c'est assez nordique, hein. Il y a beaucoup de délires autour des Vikings et des démons invoqués par les peuples du Nord. Donc voilà, et puis du coup tout le son américain black metal est assez cool. Il y a Horseback, What's in the Throne Room, Primordial, tout ça, c'est très cool. Donc à l'occasion, non, ça s'écrit pas comme ça. Parce que j'ai Nicolas Demery en train de le taper sur YouTube, mais c'est un peu plus compliqué. Donc bref, très sympa. Je le conseille à vous, ce morceau-là en particulier, parce que le reste, je pense que vous connaissant, c'est pas forcément votre univers, mais pourquoi pas. Horseback, pour le coup, autre groupe américain influencé par comme Nickelback. Horseback comme l'arrière d'un cheval, plutôt. Qui est inspiré par Nickelback comme l'arrière du nickel. Non, mais pour le coup, qui a un côté Americana, XI, tout ça, qui est assez cool, avec des voix très black metal, pour le coup, c'est assez sympa. Bref, voilà, un délire un peu particulier, mais je voulais partager ce moment musical avec tout le monde. Eh bien, merci, on n'écoutera pas, mais... S'il te plaît, je vais essayer d'introduire le jeu. On a testé lors du pilote un petit jeu. Le concept, c'est A imite B qui imite C. Donc l'un d'entre vous qui imite B, donc quelque chose ou quelqu'un, qui imite C. Donc voilà, vous voyez, vous avez compris le principe. Alors je vous propose soit de faire un tirage au sort, il y en a un seul d'entre vous qui se retrouve comme une merde à essayer de faire un truc assez compliqué, parce que évidemment je vous ai préparé des trucs assez gratinés, soit on le fait tout, enfin vous le faites tous, parce que moi je me suis pas prévu de truc. Je propose que ce soit le collectif. On le fait collectif. On vit dans une démocratie. Ok, bah t'as raison, et donc c'est toi qui vas commencer. Donc Patrick Bullshité va nous imiter un Québécois lambda, n'importe quel Québécois, qui imite Jacques Brel, tout simplement, voilà. On commence en douceur. Mais t'aurais pas dû le faire, de toute façon, tu y souffles dans l'oreille et nous on doit deviner. Parce que c'est plus trop tricky. Non, c'est juste le délire d'écouter un truc grave un peu foireux. Parce que je ne doute pas que ça sera excellent, mais un peu foireux quand même, un peu sur les deux. Alors Patrick, prépare-toi, on te laisse 3 secondes pour te préparer. 1, 2, la bohème, 3. Dans le port d'Amsterdam, comme un vrai. Il y a le poutine qui flotte. Il faut des sucettes de sirop d'érable. Bon, bon, bon, bravo. Bravo. Allez, ouais. Le public est en liesse. Bah, merci Patrick pour ton imitation incroyable de Jacques Brel en québécois. Au cordeau. On a bien reconnu l'accent. Et alors, du coup, à toi de donner pour Yves. Pour Yves Calvici, donc, je propose le défi suivant. Francky Vincent rencontre Georges Eddy. C'est chaud. Bah, rien que l'image est très bonne. Francky Vincent, le restaurant. C'était un truc à réaliser avec un personnel de merde qui m'a foutu moi dans la merde. Francky Vincent, le restaurant. C'était un truc à réaliser avec un personnel à chier qui m'a vraiment trop fait chier. Bravo! Très très belle prestation. Alors moi, je m'attendais quand même à ce que t'ailles sur. Alors là, donc cette chanson, effectivement, c'est peut-être une des moins connues de Francky Vincent. Et, mais c'est pas une chanson. Pas ah, c'est une vraiment une chanson. Ah, ouais, ouais, ouais, ouais, mais je crois que c'était son actualité. Moi, je la passerai en musique finale. Ah. Il a fait en représailles. Ouais, petite parenthèse, il a fait en représailles. Il avait un side business. Oui, bah j'ai vu l'histoire du restaurant qui a fait une de tous les médias. Il a fait une chanson pour se venger de ces gars-là. Qui apparemment. De Jacques Segala. Ouais. Le mec n'aime pas la fume. Ok, et donc bah, du coup Yves, t'as un truc pour Nicolas ou Bah, pour Nico ce sera bah, je vais reprendre le dernier, je vais prendre Francky Vincent. Oh, oh, oh, oh. Avec bah, Sarkozy. Ok, il reste quelques secondes pour réfléchir. Ouais, non, mais j'essaie de me rappeler. J'ai qu'une chanson de Francky Vincent, c'est la chaude pisse, mais j'ai plus le. Non, bah attends, Sarkozy et. Fruit de la passion, tout ça, hein. Ouais, mais j'ai plus la. Vas-y, chanson. Francky. C'est bon, ah, ok. Elle veut mon zizi. Non, on va faire. À ce moment-là, on va faire Sarko meets Joe Star. Oh. Oh. Putain. Oh. Oh, putain. Ok. Allez, vas-y, mec. On est chaud, faut pas trop réfléchir, faut se lancer dans le bain. Ouais, ma Carla. Je vais te zoomer dans l'Elysée. C'est l'entre-situation, parce qu'il dit ça. Ouais, ouais, ok, j'essaye, je suis allé direct okay, dedans. Ok, vas-y, vas-y. Putain, tu vas me donner, mec. Ah oui. Ouais, bah attends. Putain, mais c'est l'autre arrière. Non, je l'ai plus là. Je vais passer mon tour pour le coup. J'ai donné le max de mes imitations. C'est vrai, c'était pas mal. Et je vais te prendre un truc du coup. Ah bah, t'inquiète, je vais te balancer le mic. Gollum plus Edith Piaf. Ok, ok. Ah, on m'en prend. Il m'en parle de tout. Je vois. Oh. Mais bon, je fais. Bref, voilà. C'est parfait. Parfait, bravo. Ok, bah merci à tous. Je pense que, enfin, j'espère en tout cas qu'on a tous passé un bon moment. Est-ce que vous voulez passer un petit big up à tous nos fans? Big up. Alors, c'est big up. Oui, alors je tiens à dire que quand même pour l'épisode 0, on a eu 33 auditeurs. 38. Oh là là, ça ne fait que monter sans aucune forme de promotion, sans être même référencé sur quoi que ce soit. Donc c'est très étonnant et j'aimerais connaître le nom de ces personnes. Après, on ne sait pas s'ils ont écouté deux secondes, ils se sont rendus compte, ah mince, on s'est trompé, ou s'ils ont écouté en entier. On n'a pas la. Non, c'est le nombre de gens qui ont un moment donné qui ont écouté sur lecture, quoi, c'est clair. Oui, mais quand même. Non, c'est je connais, je pense, 3 personnes parmi ces 38. Bah, moi, pareil, pas loin. Mais, il en manque 35. Non, mais enfin, en fait, pour nous syndiquer, je nous ai abonné un truc. Enfin, voilà, et de fait, comme on devait être nouveau, il y a 2-3 personnes qui ont dû cliquer. Enfin, il y en a fait comme ça. On va pouvoir commencer à en parler à nos proches. Bah, absolument. Parce que pour l'instant, c'est un peu secret. Eh bien, écoutez, je vous propose, vous qui nous écoutez, d'en parler autour de vous si vous avez aimé ce moment. De vous abonner au podcast, et puis de souscrire si vous êtes sur SoundCloud, au podcast aussi, sur iTunes, tout ça. Lâchez des petits pouces, lâchez des petits cœurs, des petits likes, ça fait toujours plaisir, partagez. Et voilà. Hein, on vous souhaite une très bonne fin de journée ou une début de journée si vous écoutez dans le métro. On a un peu. Allez, gros bisous. Bisous, bisous. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. La société qui m'a fait les travaux était persuadée que j'étais un blaireau. Ils m'ont dit qu'ils faisaient les travaux en 4 mois et ils se sont branlés pendant 9 mois. Quand j'étais absent, certainement en tournée, les ouvriers faisaient venir des prostituées. Y avait le menuisier qui était sérieux quand je pense que j'ai payé ces enfoirés. À l'ouverture, j'ai employé des garçons. Je ne savais pas que j'employais des cochons. Les filles à côté, malpropres, n'étaient pas mieux. Elles s'en foutaient éperdument de la saleté. Le service d'hygiène serait passé. Oh non merci, j'aurais dû fermer la porcherie. Dans mon établissement, j'avais des crevures qui ne pensaient qu'à fumer, baiser et salir. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. La secrétaire venait à toutes les soirées, sortait avec un client indésiré et couchait aussi avec le DJ, envisageait de draguer le cuisinier. Le barman en plein service roulait des pelles à une serveuse dans la cuisine, tandis qu'un deuxième cuisinier picolait. Il buvait les bières et le vin de la réserve. J'ouvre la chambre froide, devinez ce que je vois. Un serveur, une serveuse en train de baiser. Quand j'étais pas là, c'était encore pire. Ces enfoirés, j'ai envie de les maudire. Les clients venaient souvent m'engueuler. La bouffe était dégueu, le service était à chier. Le chef cuisinier aussi était à chier. Les agras et le Colombo étaient à jeu. Des fois qu'il reste dans le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Après 6 mois d'ouverture, j'ai décidé de me séparer de ces crevures. Mon rêve, j'en ai marre, c'est un cauchemar. Vive la chanson à bas, la restauration, travailler avec des enfoirés qui s'en foutent, qui n'ont aucun respect. J'ai choisi, j'ai préféré fermer pour ne plus voir leur gueule d'enfoiré. Ils m'ont attaqué dans la presse, les médias. Droit de réponse, je réponds à ma façon. Attaque un provocateur, ça le fait pas. Vouloir le détruire, ça ne marche pas. Bande de connards de merde à la con. N'oubliez jamais que je suis le patron. Ma carrière continue, je vous emmerde. Bande de jaloux, je vous souhaite 30 ans de malheur. Moi qui me sens le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel de merde, il a foutu dans la merde. Francky Vincent, le restaurant, c'était un rêve à réaliser. Avec un personnel à chier, il a vraiment trop fait chier. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres. Bande d'enfoirés, si vous trouvez du boulot, n'écrivez pas dans votre CV de merde que vous avez travaillé chez Francky. Bande de malpropres. Bande de malpropres.